Bonsoir. Bienvenue à cette conférence qui a pour titre « Pourquoi le mouvement hippie est-il mort? » Je me présente, je suis Annie Poisson, écrivain. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Michel Lacerte, policier et homme d'affaires. Bonsoir. Bonsoir, Daniel. Pour commencer, on a fait des grandes recherches dans le dictionnaire, et puis je vais lire une définition de ce que c'est, ce qu'on dit du mouvement hippie. Premièrement, le mot existe depuis 1967, et on dit « se dit des jeunes gens qui, par leur mode de vie bohème, leur tenue vestimentaire non conformiste, leur longue chevelure et l'usage qu'ils font parfois de la drogue, s'opposent aux valeurs de la société traditionnelle. » Et on parle, c'est ça, qui s'opposent, finalement, ils peuvent utiliser la drogue de temps en temps, ils parlent de la paix. Est-ce que les... Ça s'oppose aux valeurs traditionnelles. Parle de la paix. Effectivement. Ça commence bien. OK, premièrement, c'est une définition du dictionnaire, mais qu'est-ce que c'était le mouvement hippie? C'était quoi vraiment un hippie? C'était quoi vraiment un hippie? c'est quoi vraiment un Américain? ça ressemble... Il faudrait que je donne une réponse comme le dictionnaire pour encapsuler c'est quoi un hippie. Mais c'est parce qu'il y a eu des hippies qui ont parlé contre la guerre du Vietnam, qui ont fait des manifestations, qui ont changé leur habillement vestimentaire. Il y a d'autres gens qui font la même chose, mais qui ne sont pas hippies, qui parlent contre pour le socialisme ou qui vont être des anarchistes. Premièrement, c'est quoi la différence entre tout ce monde-là? Ben, un hippie, c'est quelqu'un qui se disait hippie, premièrement. Donc, il y avait effectivement des gens qui faisaient comme les hippies, mais qui ne se disaient pas hippies. Alors, ceux-là ne sont pas dans le dictionnaire. C'est quelqu'un qui se dit hippie. Un hippie, c'est quelqu'un qui... Le mouvement hippie lui-même a pris naissance dans les années 1960, donc avant 1977, autour de 1961. Il a pris naissance dans la perception intuitive de certaines personnes sensibles de choses qui se vivent dans un futur possible. Donc, les gens, et ça, à travers l'histoire, ça a toujours été, ça s'est répété sans cesse, où les gens, certaines personnes ont accès à goûter à des saveurs du futur, certaines personnes auront accès à goûter à des saveurs négatives, d'autres à des saveurs positives. La majorité des prophètes vont goûter à des saveurs négatives, et ça en plaise. Les gens goûtent aussi à des saveurs qui sont positives, qui sont négatives, et de temps en temps, il y a des individus qui essaient de capturer un phénomène qui se vit dans le futur et de le descendre dans le présent et de l'appliquer. Et dans 100% des cas, quand cela a été fait, les expériences ont toujours été vouées finalement à l'échec parce que le peuple de l'époque dans laquelle on veut importer un événement n'est jamais prêt. Le mouvement hippie est né du fait de la naissance à travers les êtres, les Américains entre autres, quelques Européens, de la naissance d'une sensibilité en face de la conscience. C'est-à-dire que je ne parle pas des hippies, il y avait des hippies conscients, il y avait des hippies pas conscients, il y avait des hippies drogués, il y avait des hippies de toutes les sortes, mais le mouvement hippie lui-même, c'est la terrestrification de la sensibilité en face de la conscience, c'est-à-dire que subitement, des gens deviennent conscients et conscients bon, d'une façon plus ou moins absolue, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'ils ont appris à être conscients, ce n'est pas parce qu'ils ont appris que telle chose se faisait, c'est devenu un besoin fondamental chez ces personnes-là de partir à la quête, à la recherche de mécaniques qui pourraient leur permettre de vivre actuellement des choses qui se vivent ou se vivent actuellement dans le futur, mais qui pour eux se vivaient dans leur intuition, dans leur sensibilité. Ça veut dire que ces personnes-là ont conscientisé l'importance, par exemple, de l'alimentation. Ils ont conscientisé l'importance de la nature. Ils ont conscientisé l'importance de la paix et de l'amour. Ils ont conscientisé l'importance de l'éducation, du partage. Donc, ils ont fait des communes, ils ont fait des choses comme ça. Maintenant, ce n'étaient pas des êtres conscients. C'était la naissance de la sensibilité en face de la conscience. Alors, quelque part, il y a des êtres, des hommes, des femmes qui disaient à un moment donné, « Bon, on doit faire attention à la nature. » Le hippie, lui, il le vivait, ça. Donc, c'était beaucoup plus marqué, beaucoup plus profond. Par exemple, il y avait le peuple américain qui s'offusquait de la guerre du Vietnam. Les hippies s'en offusquaient pas seulement. Les hippies étaient en guerre contre la guerre. Et dans le mode américain, L'une des façons de protester, c'est d'abandonner les infrastructures endoformiques, c'est-à-dire d'abandonner la forme, d'abandonner, on va dire la forme pour l'instant, j'expliquerai, d'abandonner la forme qui supporte et soutient ce que tu veux combattre. Ça veut dire qu'à un moment donné, si tu veux protester contre la guerre, eh bien, tu devras abandonner les vêtements des gens qui sont pour la guerre, tu devras abandonner le mode de vie de la société qui est pour la guerre, tu devras abandonner, autrement dit, la forme qui permet à ces gens-là ou qui est utilisée par ces gens-là pour maintenir des événements. Alors, par exemple, si tu te rends compte que les gens qui volent, apparemment le peuple, ce sont des gens qui se promènent en automobile d'un certain prix, ben, les hippies, automatiquement, vont rouler dans des automobiles d'un autre prix. Genre Coccinelle, par exemple, Volkswagen. D'ailleurs, Volkswagen, ça a été une chance qu'il y a eu ça, parce que ça a transporté beaucoup d'hippies. Que ce soit les petites fourgonnettes Volks, les fourgonnettes Volks ont vendu les hippies, achetaient ça. Et puis, les coccinelles aussi, d'ailleurs, ils achetaient ça. Alors, on leur en vendait même avec des fleurs déjà dessus. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est que le mouvement hippie est né dans l'histoire de l'humanité. C'est la naissance de la sensibilité en face de la conscience, c'est apparu. Et ces êtres-là, ces humains-là, il y en a eu un peu partout sur la planète, mais il y a eu de grands mouvements, puis il y a eu de grandes rencontres aux États-Unis. Il y en a eu une, entre autres, qui était énorme, où les gens avaient la possibilité, enfin, essayaient de vivre un monde qui ressemble à un monde qui se vit dans le futur. Mais évidemment, c'était une copie, parce que tu ne peux pas prendre un monde qui, par exemple, on ne peut pas aller faire un tour en Espagne, aimer l'Espagne, et après ça, essayer de recréer l'Espagne ici, à Laval. Tu peux essayer, mais tu ne réussiras pas. Donc, eux, c'est ce qu'ils faisaient un peu, c'est que dans leur rêve, dans leur conscience, plus ou moins consciente, une conscience, disons, inconnue, ils avaient la possibilité de goûter à des saveurs, dans leur rêve, de rêver à un monde de paix, un monde naturel, un monde où on s'occupe de la santé, un monde où les enfants sont bien. C'est-à-dire que si l'enfant aime le monsieur là-bas, ben, il va là-bas, puis moi, je ne suis pas jaloux, puis je n'ai rien à faire. Et puis, si c'est l'enfant de l'autre qui veut venir chez nous, ben, il vient chez nous, puis on le nourrit, puis on s'en fout. Ils essayaient de terrestrifier, de vivre actuellement, disons, dans cette époque, des mécaniques qu'on retrouve dans des civilisations, dans des sociétés intelligentes et humaines. Alors, le mouvement hippie a une importance majeure parce qu'il touche de près la descente massive de ce que le Québec appelle l'énergie supramentale, et il touche de près la descente massive de ce que le Québec appelle l'intelligence instantanée, l'intelligence tout court. Oui. Sauf que l'intelligence est descendue au Québec, puis ça a parti de la Californie. Non, l'intelligence est descendue en Judée en premier. Par la suite, elle est descendue en Allemagne. Par la suite, elle est descendue aux États-Unis. Et par la suite, elle est descendue au Québec. Mais tu nommes des périodes, bon, entre autres l'Allemagne. C'est une période qui était particulièrement noire. Puis ça, ici, le mouvement hippie, moi, je regarde, quand je regarde des films sur Woodstock, bon, ça, c'était le grand rassemblement hippie. C'était le grand. Bon. Mm-hmm. Puis quand je regarde aussi tout ce qui est psychédélique, je trouve ça noir, ça me répugne. Puis on parle de descente d'énergie supramentale. Bon, ça, c'est ce qui arrive fréquemment, c'est que, bon, prenons l'exemple. Dernièrement, j'écoutais un film qui est intéressant, c'est une étrangère parmi nous. Bon. Alors, c'est une femme policière qui doit enquêter sur le meurtre dans une congrégation hassidim, c'est-à-dire, ce sont des Juifs. Et c'est extrêmement fermé. D'ailleurs, ils prennent l'autobus, leur autobus, et puis les gars sont d'un bord, les filles de l'autre, mais c'est pas suffisant, il y a un grand rideau qui ferme les deux. Et c'est sans arrêt comme ça. Et les gens, quand on regarde ce qui est dedans, elle, ce qu'elle va découvrir, la policière, c'est que les gens s'aiment pour le vrai, s'entraident pour le vrai, se soutiennent pour le vrai. Ça veut dire que dans le reste de la société, les gens s'entraident pas pour le vrai, se soutiennent pas pour le vrai, etc. Mais en même temps, tu te rends compte que pour maintenir cette harmonie, ils ont 636 règles, dont 200 quelques positives, les autres sont négatives. Et c'est... Et finalement, tu ne peux pas connaître le bonheur là-dedans, même si tu peux vivre continuellement avec cette saveur de bonheur. C'est parce que c'est basé sur la crainte de Dieu, donc tu tiens les épaules, tu sais, tu tiens tranquille. Dans certains cas, la crainte. Pour d'autres, c'est l'amour de Dieu. Mais une chose est certaine, c'est que tu ne peux vivre qu'avec la saveur du bonheur. Les hippies, et ça, on retrouve ça dans la majorité des sociétés, dans les religions comme dans la majorité des sociétés, on va vous permettre de vivre avec la saveur du bonheur. Les hippies ont décidé de vivre avec le bonheur, plus avec la saveur. La problématique, c'est que tu ne peux pas, l'être humain n'a pas la capacité de parvenir à être heureux sans en subir des contre-coups majeurs, tant qu'il ne sera pas intelligent. Je ne parle pas d'intellectuel. Tant qu'il ne sera pas spontanément intelligent, donc il n'a pas besoin d'accumuler de l'expérience pour être capable d'être efficace. Il est efficace parce que c'est sa nature d'être efficace. Comme je dis souvent, quand vous avez un choix à faire, un être intelligent fait le bon choix. Bien simple. L'être qui n'est pas intelligent, qui est intellectuel, qui est bien correct, va devoir essayer de faire le bon choix. Il va faire un des deux choix et il espère avoir fait le bon choix, donc il ne sait jamais ce qu'il fait. Il ne sait pas. Bon. Et de temps en temps, il réussit, mais honnêtement, plus souvent qu'autrement, on manque son coup. Mais bon. Eux, là, ils étaient sûrs là, de... Eux, ils n'étaient pas sûrs. Eux, ils s'en foutaient, ils avaient décidé de vivre la chose. Et le gros de la problématique du mouvement hippie, et c'est pourquoi le mouvement hippie est mort, il reste encore des hippies, il en reste encore des quelques-uns qui ont les cheveux courts maintenant, qui n'ont plus de barbe et puis qui puent plus. Bon. Ah, puis ils sont tous mous, je veux dire, c'est pas tellement énergétiquement... Moi, je trouve pas que ça a été positif pour... Ça a été formidablement positif. La seule chose qu'il y a, c'est que tu fais exactement comme les gens qui vont regarder les acidiles, mais qui vont regarder uniquement les mauvais points de leur affaire pour éviter de se remettre en question dans leur façon de vivre. Alors, si tu dis, par exemple, la réunion à Woodstock, bon, ils sont un paquet d'individus tout collés ensemble, puis c'est, bon, c'est une manchure. Ça fait partie bon, on retrouve ça à bien des places, et dans tous ces endroits-là où on retrouve des gens rassemblés comme ça, tu ne dois pas y aller. Bon, alors que ce soit une réunion politique, une gang de drogués, je trouve ça pire. Bon, les hippies n'étaient pas une gang de drogués. À Woodstock, il y avait de la drogue. Oui. Les hippies n'étaient pas un groupe de drogués. Et c'est ce qui fait en sorte que, bon, c'est très important de bien comprendre la différence entre la saveur, entre ce qui est en train de se créer, et entre ce que finalement la vie, l'humanité, les dieux, bref, la merde planétaire, va faire pour briser carrément un mouvement qui est fondamentalement parfait. Bon, parce que ce qui est arrivé, c'est que les hippies ont pris de la marijuana. La marijuana... Les gens civilisés prenaient de l'alcool, prenaient de la cocaïne, prenaient de la cigarette, du café, et les hippies prenaient de la marie. Alors, nécessairement, les hippies n'étaient pas corrects. Il aurait fallu qu'ils prennent la même chose que les gens civilisés. La marijuana, tout ce qu'elle faisait, c'est qu'elle relaxait. Et eux savaient au départ qu'ils devaient être relax, cool. Ils devaient s'arranger pour se... Inconsciemment, ils ne connaissaient pas toutes les mécaniques, mais ils devaient s'arranger pour se déconnecter du monde astral, c'est-à-dire de tout ce qui agresse sans arrêt l'être humain et l'oblige à la violence. Alors, évidemment, avec de l'alcool, tu peux le faire, mais bon, avec la marie, c'est moins pire. Ils prenaient de la marie. Et nécessairement, ça n'a pas été long que les êtres humains très convenables se sont rendus compte que rapidement, on pouvait faire avec les hippies ce qu'on a fait avec les Amérindiens. C'est-à-dire qu'à l'époque, on allait voir les Amérindiens et on leur demandait « qu'est-ce qu'il vous faut pour être heureux? » L'Amérindien, il disait « moi, je veux être en contact avec la nature. » Et le Blanc disait « que te faut-il pour être en contact avec la nature? » Et l'Amérindien disait « je dois avoir un songe. » Un songe, c'est un rêve réveillé. Alors, l'Amérindien allait transpirer, il allait dans des temps de sudation, il jeûnait, se mortifiait. Les dieux adorent quand l'humain se mortifie. Et puis, après un laps de temps, subitement, le corps est tellement déstabilisé qu'il avait un songe, une vision. Et là, c'était correct. Or, le Blanc lui a dit, écoute, nous autres, on est technologiquement avancés. L'alcool, ça va t'éviter la sudation, ça va t'éviter le jeûne, ça va t'éviter le martyre, ça va des songes quand tu veux. Alors, on a bien sûr de l'eau de vie. Alors, ils leur en ont donné. Ils ont pété le feu. L'eau de feu, ça n'a pas été long. Et puis, ils buvaient, et là, ils avaient des songes extraordinaires. Sauf que ces songes-là ne les menaient pas tout à fait à la même place. Pour les hippies, c'était la même chose. Que vous faut-il pour être bien? Nous autres, il nous faut la paix, il nous faut l'amour. L'amour, ça voulait dire le sexe, ça voulait dire, disons, la liberté. Alors, pas nécessairement le sexe, mais c'était pas un problème. Tu peux pas être libre avec 150 règlements. Bon. Et l'idée, c'était qu'on veut être relaxé, on veut être capable de voyager. C'était voyage astro. Vous appelez ça triper. Triper, voyage. Alors, les autres leur ont dit, pas de problème, écoute, si tu te piques avec ça, si tu fumes ceci, si tu consommes cela, tu vas avoir tout ça plus vite et plus fort. Toi, tu veux dire qu'il y a d'autres mondes qui n'étaient pas des hippies, qui ont induit les hippies? Ah, ben oui, ben c'est sûr. Bon, les hippies étaient souvent, on disait, c'est des gens sales. Mais pendant longtemps, jusqu'à peut-être 10 ans, quiconque avait les cheveux longs, un homme, était une personne sale. Et quiconque portait une barbe était une personne sale. C'était pas une question de savoir si c'était sale ou pas. Ma mère souvent me disait, veux-tu cesser de mettre ton linge sale? Là, je lui disais, écoute, il n'est pas sale, il sort de la laveuse. C'était mes jeans. Mais des jeans, c'était du linge sale. Quand tu vas à l'école, c'était pas du linge sale. Et mon linge n'était pas sale. En tout cas, si lui, il sort en même temps, mes deux pantalons sortent de la laveuse, il y en a un qui est propre et un qui est sale. Alors ça, c'est une vision de l'humain. Alors, les hippies n'étaient pas des gens sales, sauf que tu avais des motards. Les motards, c'est pas des hippies. Ils ont la barbe, ils ont les motos, ils ont la drogue, ils ont les cheveux longs, ils forniquent, ils font ce qu'ils veulent. Ils vendent de la drogue, il faut bien vivre. Alors, à un moment donné, ils se pointent à travers des groupements d'hippies, des communes hippies, ils vont leur vendre de l'eau de vie, de la poudre de vie. Tu prends ça, tu as les rêves, tu les tripes comme tu n'en as jamais eu. Et on sait très bien que la drogue, elle a un inconvénient majeur, c'est une drogue. C'est-à-dire que tu finis par t'accoutumer à en avoir besoin. De ce fait, ben les hippies, ils se sont fait ramasser à l'os. En fin, ils se sont fait ramasser, donc, c'est astralement, c'était mieux comme ça. S'il n'y avait pas eu la drogue, l'alcool, si c'était pas devenu une mode, ça serait en allé vers quoi? Ça aurait produit quoi, vu qu'il y avait une conscientisation face à... une sensibilité face à la conscientisation? Ça aurait débouché vers quoi? Ça aurait débouché vers quoi? Bien, ce que je veux savoir, là, nous autres, là, on serait-tu plus avancés si les hippies avaient changé le monde? Là? Qu'est-ce qui serait arrivé? Bon, un, les hippies n'ont pas changé le monde. Donc, deux, les hippies sont morts. S'ils avaient réussi, si ça n'avait pas été récupéré. Ah, s'ils avaient réussi, on aurait pu aller sur la Lune en 1824. Bon, c'est ça. On fait. Moi, c'est... Ah oui, on peut dire n'importe quoi. S'ils avaient réussi. S'ils avaient réussi, vous seriez tous riches. Non, on peut rêver un peu. Mais moi, c'est ça que je faisais. Moi, ce que je trouve des hippies, là, je peux pas m'empêcher de faire un parallèle avec nous. Puis c'est ça que je trouve épeurant, parce que là, ils ont commencé à débattre. Oui, mais c'est ce que je dis tout à l'heure. C'est parce qu'il y a des choses que le mouvement hippie avait d'intéressant. Le parallèle avec toi, il est là. Mm-hmm. Et parce que tu ne veux pas ramasser ce que tu n'aimes pas d'eux, ben finalement, on finit par classer le mouvement hippie au complet dans le même tiroir. Oui, mais toi, tu sembles dire que ce que j'aime pas d'eux, c'est, admettons, la paix ou... Alors que moi, ce que j'aime pas d'eux, c'est une gang de flammous drogués... C'est pas vrai. C'est ça. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision que la société a communiquée par la suite. Ben, dans tous les cas, c'est du moins ce qu'ils sont devenus. C'est mort. Il est en train de mourir. C'est sûr que être humain agonisant n'a pas le pep de... Mais l'impression que j'ai, moi, là-dedans, c'est que le seul qui était vivant, c'est probablement celui qui a parti du mouvement ou la gang qui a parti du mouvement. Ça a duré peut-être bien 6 mois. Ils sont partis en courant. Parce que dès que la drogue est rentrée là-dedans, ils se sont éteints. Ils sont tous devenus pareils. C'est comme des punks ou des skinheads. Il n'y en a pas un qui est différent de l'autre. Ils sont tous pareils. Il faut faire bien attention. Il y a eu des communes hippies où on ne prenait pas de drogue. Parce que pour être hippie, il ne fallait pas que tu te drogues. Pour être hippie, il fallait que tu vives dans la paix et l'amour. Peace and love. Bon. Et nécessairement que tu sois anticonformiste, c'est-à-dire que tu ne supportes pas les infrastructures financières qui engendrent les problématiques, qui engendrent la famine au Mexique, qui engendrent les problèmes au Vietnam, qui engendrent ceci, qui engendrent cela. Donc, il y avait des communes hippies qui étaient totalement pacifiques et qui ne vendaient pas de drogue. D'ailleurs, celles-là ont fait faillite parce que, justement, manque de ressources. Et continuellement, parce que tout le monde savait qu'il y a des hippies là, donc il y a des drogués là. Ou des gens qui font l'amour sans arrêt. Parce qu'au départ, c'était pas la drogue qui dérangeait le peuple. C'était le fait qu'apparemment, ils faisaient l'amour comme ils voulaient. Okay. Alors ça dérangeait énormément. Bon, ensuite, ils étaient végétariens. Il n'y avait rien de pire que ça. À l'époque, je dis, ben, les Américains, c'est des cowboys, c'était du monde fou, c'est du mangeur de viande. Et puis là, eux autres, ils mangent de luzerne, ils mangent du gazon. Imaginez-vous, ils mangeaient la nourriture des vaches. Alors, c'était dangereux pour le cheptel. C'était... Ils avaient peur pour leurs vaches. Bon. Mais en quoi on est meilleur qu'eux autres? Je sais pas, tu trouves qu'on est meilleur qu'eux autres? Ben, j'espère. J'espère, pour pas qu'on s'en aille. Mais... Bon, on mange du tofu en plus de la luzerne. Mange, je te ferme, c'est la luzerne. Non, mais les hippies qui étaient, on va dire, intelligents. Correct. Ils n'ont pas survécu, on va dire, pour une raison financière, par exemple, mais pour n'importe quelle raison, c'est pas eux, on n'a pas entendu parler, on n'en connaît pas. Je suis d'accord que l'idée de ça, à la base, c'est un exemple très intéressant. Connais-tu un seul policier dans la ville de Montréal qui a de l'allure? Toi, ils n'en connaissent pas. Et moi, ce que je dis, c'est que ça, c'est la vision sociale qu'on a de la police et des policiers. Ben, les hippies, c'est la même foutue maudite affaire. T'sais, les hippies, on sait que c'est faux. Oui, mais il y a des articles, il y a des preuves comme ça, la police. Oui, je suis d'accord avec ça, mais j'espère qu'il y a des policiers. Il en reste pas moins qu'on ne les a pas vus, ceux-là, on n'a pas entendu parler. Ah, exactement. Comme moi, quand je parle en bien de la police à des gens, là, c'est bien compliqué. Bien, vraiment bien compliqué. Les autres, apparemment, ils connaissent tous les policiers de Laval, de la GRC, de la Sûreté du Québec. Puis c'est tous des pareils aux mêmes. Alors que j'en ai vu pleurer sur des accidents parce que ça les touchait, j'en ai vu risquer leur vie dans d'autres accidents quand j'étais ambulancier, dans des incendies, j'en ai vu se battre pour sauver du monde, j'en ai vu évidemment être approché et être tout fier d'avoir été approché, mais c'est la minorité. Mais il n'y a rien à faire, ça rentre pas dans la tête du monde. Il y a un égrégore du corps policier que la société entretient et que quelques flics entretiennent et s'en nourrissent. Et ce n'est pas ça, la police. On doit être fier et être en sécurité de savoir qu'il y a des policiers. Exactement, il y a quelques criminels dans la vie, mais tous les criminels ne nous font pas aussi peur que les 8 policiers caves de la Sûreté du Québec ou de Laval ou de la CUM. Bon, les hippies, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup plus d'hippies qui étaient corrects, sauf que de qui allons-nous parler? Bien, évidemment, écoutez bien, c'est sûr que si on veut détruire un mouvement, premièrement, constituer en majorité de jeunes, qui décide de faire autrement que ce que les vieux ont décidé, c'est évident que la meilleure chose à faire, c'est de trouver des scandales, de faire des scandales, de mettre des scandales et de ne parler que d'eux. La promotion était faite sur le négatif de ça. C'était essentiel, c'était la façon de détruire le mouvement. Bon, je vois toute la raison de ça, mais il n'en reste pas moins que... Il y avait bien du bon monde. Qu'est-ce qui réincarnait les hippies? Qui réincarnait les hippies? En tout cas, il y a beaucoup de Québécois qui réincarnent les hippies, qui sont encore hippies dans l'âme. Les hippies réincarnaient... Il y a un homme qui réincarnait la finalité au niveau atlantéenne, mais c'est... Au niveau des peuples, les hippies ne réincarnaient rien de vieux. Ils réincarnaient surtout du futur. Ils réincarnaient surtout l'idée d'une société pacifique, humaine, écologique, qui n'est pas construite sur la possession, l'acquisition, la compétition. Donc, ça élimine nécessairement les guerres, ça élimine nécessairement la convoitise, la jalousie. Mais ça élimine tout ce qui existait jusqu'à date. Ça éliminait effectivement, socialement, la majorité des visions sociales. Et l'idée, c'est pas de dire que les hippies avaient totalement raison. Il faut bien comprendre que les hippies n'étaient pas des êtres conscients, et c'est ce qui les a tués. Bon, c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, finalement, parce qu'ils manquaient de conscience. Ah, là, c'est à trouver une raison. Mais non, il faut bien, parce que tout ce que tu as décrit, tu nous aurais décrit de la même manière. On veut une société écologique. Oui, effectivement, écologique. C'était du bon monde. Qui réincarne? On y réincarne sûrement. On est relié au même phénomène, c'est absolument évident. Et c'est pourquoi j'avais le goût de faire une conférence sur le mouvement hippie. C'est sûr qu'il n'y a pas... Bon, les gens ont une vision tellement salie du mouvement hippie que ça n'a pas... Parce que moi, un impact au niveau social de parler des hippies, parce que les gens ne veulent pas en parler des hippies. Un, parce que ceux qui y ont cru ou ceux qui inconsciemment y croient encore ne veulent pas entendre parler de quelque chose qui a manqué son coup. Et le reste de l'humanité, finalement, enfin, de ceux qui ont connu le mouvement hippie, ne veulent rien savoir des hippies parce que c'est le maudit problème. Si tu savais la quantité d'ingestion du FBI, de la CIA qui a eu lieu sans arrêt dans les communes hippies pour leur vendre de la drogue, pour leur vendre ceci, pour les prendre, sans arrêt, c'était le mouvement annihilé. Surtout que les Américains allaient au Vietnam et que les hippies disaient à tout le monde, il y a les plus, j'essaie d'aller mourir là-bas pour absolument rien. Alors c'est évident que c'était un mouvement majoritairement dangereux. Et les Américains ont réussi, comme ils réussissent souvent, ils ont anéanti le mouvement. Si les hippies, par contre, avaient été conscients de ce qu'ils font, ils auraient été capables d'être plus... ils auraient temporisé la descente de leur intuition. Oui. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ça, au lieu de décider, écoute, on le fait maintenant, on se réunit tout le monde, on vend tout ce qu'on a, on a de l'argent, on s'achète un petit terrain, on se bâtit des petits dômes là-dessus, une petite grange, une ferme, on cultive de la luzerne, des rebelles, on entretient des moutons, et puis on vit correctement. On n'a pas beaucoup d'argent pour s'acheter... on est 25, est-ce qu'il nous faut 25 automobiles? Non, il faut une petite Vosges, pas un autobus. Parfait. On va aller chercher un autobus scolaire, on va le réparer, on va acheter, bon, on va s'acheter une cour à scrap, et on va l'amener en arrière du dôme, et puis là, on a les pièces pour réparer, on a tout ce qu'il faut. C'est évident, parce que c'est la façon d'arriver vite à du résultat. Mais ils sont arrivés nulle part, par exemple. Bien, c'est évident qu'ils ne peuvent pas aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de vivre immédiatement quelque chose qui se vit dans le futur sans comprendre tout l'impact que ça va donner. Je sais très bien qu'il n'y a pas un seul être humain qui est construit pour être heureux, pour vivre en paix, pour relaxer face à la vie. Il n'y en a pas. Pas un parmi vous autres. Il n'y en a pas un sur la planète. Pas plus qu'il y en a... qui sont construits pour être malheureux. Tous construits pour être malheureux, être déficient, être malade, être sénile. Mais ils ne deviennent pas plutôt? Non, ben ils deviennent, c'est évident, ils sont construits pour ça. Non, mais à un moment donné, c'est vrai que dans le même courant que ce que Michel parle, là, qu'on n'est ni fait pour un, ni fait pour l'autre. C'est intéressant. On n'est ni fait pour un, ni fait pour l'autre, puis on fait tout l'autre. c'est ça. Non, mais... Non, c'est vrai. Ouais, mais des fois, il faut faire un choix. Effectivement, là, l'humanité a choisi la destruction, oui. La mort, la maladie, la souffrance, le mérite. Le mérite, ça veut dire travail, faut que tu gagnes ta vie, faut que tu mérites le ciel, faut que tu sois le meilleur, perds ton temps. Quand ça... si tu as le choix entre deux choses et que tu tombes toujours là-dedans, sache une chose, c'est que tu as un poids de plus, bon, là. T'es construit pour tomber dans la misère. L'humain ne fait que ça. Les hippies n'étaient pas conscients. Ceux qui avaient la petite flamme chez eux de l'amour, de la paix, de l'écologie, d'être bien, bordel, t'sais, juste ça. De dire simplement que s'il m'arrive quelque chose, pas grave, toute la communauté est là pour m'aider. Tu dors bien à ce temps-là. Aujourd'hui, il faut qu'on achète des assurances pour ça. Puis l'assurance la plus petite possible, parce que si le papier est grand de même, c'est toutes des choses que tu n'as pas le droit en cas de problème. C'est toutes ça ne comprend pas ça, comprend pas ça. Bon, faut que tu lises. Ça, c'est la sécurité qu'on a, sans compter qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir des assurances. Alors, bon, juste un exemple, vous êtes un patron, votre compagnie fait faillite, avez-vous le droit au chômage? Non! Mais non! Vous avez fait vivre du monde! Vos employés ont le droit au chômage, vous autres, bien-être. Mais avez-vous le droit au bien-être? Ah ben non. Pourquoi? Tu as une maison. Ah oui, mais j'ai une maison. Si moi, je l'ai eue quand je travaillais. Mais non, c'est pas ça. On va t'aider quand on va être sûr que tu ne pourras plus jamais te relancer. Alors, quand tu auras vendu ta maison, et dépensé tout l'argent. Quand tu auras vendu ton char, et dépensé tout l'argent. Quand tu n'auras plus rien pour te relancer, viens nous voir, on va t'accueillir à bras ouverts. Et c'est la société. Alors que, un exemple, je suis patron, je veux faire un emprunt à la banque, je ne peux pas. Je n'ai pas un emploi stable. Mais ma secrétaire qui va en faire un, suite, elle a un emploi stable. Ils sont convaincus qu'elle ne peut pas perdre son emploi, mais ils sont sûrs que moi, je peux faire faillite. Si je fais faillite, elle perd son emploi. Non, ça ne marche pas comme ça. Faut que tu aies un emploi stable. Mais si t'es un de ceux qui fait avancer le système, t'es toujours en danger. Il y a un risque, il n'y a rien à faire. Faut que tu sois pauvre, qu'on t'aide. Puis tu déranges tout le temps, finalement, comme les pions ont fait. Ils dérangeaient. Bon, ce que je veux dire, c'est que l'humain est bâti, il est vraiment conçu pour se détruire. Il ne fait que ça, il ne travaille que là-dedans. Et le moindrement que les personnes essaient, à un moment donné, où ils se font ramasser par le goût de la paix, de l'amour. Je ne parle pas de tomber en amour, je parle de monter en amour. Un amour qui n'est pas conditionnel, un amour qui n'est pas limitatif, un amour correct. Bon, de l'amitié, un point très intéressant. Lorsque l'humain commence à vivre ça, le choc Le choc que les psychologies vivent quand ça commence à être comme ça est un choc tellement puissant que tu dois t'arranger pour l'éliminer. Les gens ne sont pas prêts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez ceci, ceux qui ont des enfants. Vous sortez, vous faites une sortie, vous allez au cinéma, vous allez, bon, un parc d'attractions, vous avez du plaisir. Dans 80 % des sorties, dans 80 % des familles, quand vous allez revenir, ça va s'engueuler. Elle doit disputer, chicaner. Oui, ils ont été heureux. Alors, merde, c'est assez. Là, on doit faire quelque chose pour briser ça. C'est essentiel. Alors que si on s'engueule, on ne fera rien pour monter la pente. Mais si on est heureux, c'est fortement risqué que par le suite, ça aille mal. Il y a plusieurs couples qui vont avoir une relation sexuelle intéressante et puis qu'après ça, les 2, 3, 4, 5 jours après, ça va mal. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu, ils ont été heureux. Alors, quelque part, il faut que tu te fasses à raquerie. L'humain n'est pas conçu pour ça. Et je ne parle pas des gens qui disent, non, un instant, moi, c'est uniquement ce que je veux. Oui, oui, oui, c'est sûr, il faut qu'on dise qu'on veut ça. Pour équilibrer le fait qu'on fait tout pour l'inverse. Il faut bien quelque part qu'on s'équilibre un petit peu. Bon, continuellement, tout le temps, si on parle des religions, Dieu t'aime. Et quand tu es malade, tu montes les marches de l'oratoire à genoux jusqu'en haut. Dieu t'aime. Dieu, il t'aime si tu souffres. Les béatifiés, les gens, les saints dans toutes les églises, ce sont les martyrs. Martyrisés par leur propre église ou par l'église de l'autre. Continuellement. Les bûchers, Jeanne d'Arc, génial, Jeanne d'Arc. Ah oui, absolument. L'église l'a vendue, puis les rois l'ont tuée. C'est ça qu'elle a aidé. Et c'est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est extrêmement important de comprendre que au départ, l'humain est bâti pour s'anéantir. Il mangera pour se tuer, pour s'intoxiquer. Combien d'inventions existent pour nous abîmer? Invente pour te tuer, tu contre-inventes pour essayer de te faire vivre un peu malgré tout. Tu inventes pour te tuer, tu contre-inventes encore. Bon, alors, il y a la boisson, il y a le tabac, il y a le, tout ce qu'on mange, les produits chimiques qu'on fout là-dedans, les bonbons qu'on donne aux enfants pour les empoisonner au maximum, les stress, tout, les films d'horreur, les films de violence, les films de guerre. Si on regarde, bon, l'être humain, une personne va dire, moi, je veux que la paix. Oui, mais la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va écouter les nouvelles de désastre. Elle va essayer d'en voir un peu plus. C'est continuellement comme ça. Vous allez entendre la voisine crier « J'ai gagné 1 million! » Elle n'a rien à faire. Entendez-la des boulets escaliers, vous allez les voir en maudit, par exemple. Et alors, certains vont aller pour l'aider, mais il va y avoir un paquet de touristes qui vont être là. Tout le monde veut se nourrir de... C'est correct. Le mouvement hippie... Mais pour ce qui est des inventions, moi, je suis pas d'accord avec toi. Moi, ce que je vois, c'est que toutes les inventions sont à la base pour aider l'humain à son avancement, puis souvent, ça tourne mal, parce qu'on s'en sert de façon néfaste. Okay, ben, historiquement, on peut se rendre compte que c'est l'inverse. Ça a toujours été créé pour détruire, puis qu'on le retournait de bord après pour faire quelque chose de bien. Il y a toujours eu du monde qui a eu de l'allure quelque part. Puis le moindrement qu'on tourne ça pour faire du bien... Si on prend la bombe atomique, c'est pas pour détruire un pays. La bombe atomique? Non, seulement on fait des bombes pour construire. Non, mais au début, l'énergie nucléaire, là... Non, la bombe atomique a été créée par la première descente d'énergie supramentale grâce au déménagement du peuple juif, donc de certains juifs, aux États-Unis. Pour anéantir ce que l'humanité avait créé, la Deuxième Guerre mondiale. Bon, c'est tout. C'est tout. Ça s'arrête là après. Et après ça, ben après ça, on a eu la course aux armements avec la bombe nucléaire, OK? Là, si tu parles de la bombe nucléaire, moi, je peux parler de tout le reste des inventions de l'humanité qui ont été construites, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit au niveau mécanique, que ce soit au niveau des vêtements. Pendant combien de temps, pensez-vous, mesdames, que il y a eu dans un certain siècle, vos ancêtres se mettaient du blanc de Prusse dans le visage? C'est de l'oxyde de plomb. Les hommes et les femmes trouvaient que c'était plus beau quand tu avais la face blanche. Parce que les paysannes, le ville, le monde, étaient bronzés, travaillaient dehors, yark, bronzés. Yark. Alors, on se mettait tout blanc, tout blanc, tout blanc, on se promenait avec une ombrelle sans arrêt, ou l'autre la tenait, elle dépendait de notre richesse, pour être blanc. Les corsets. Dans le lit, les hommes aimaient les grosses papounes, Mais dehors, on aimait les personnes qui pouvaient traverser 4-5 en même temps par la porte. Alors, il fallait leur mettre des corsets extrêmement serrés. Et non, les femmes ne souffraient pas. C'était correct. Bon, plein. Après ça, toutes les inventions sont... Voyons, donc, tout est inventé. Et l'homme, l'humain fait ça. Je le disais dernièrement à des gens, des séminaristes, prenez conscience simplement de l'énergie qu'une nation va mettre. Bon, si moi je vous demande, là, seriez-vous prêt et prête à tout abandonner, à vendre, à tout abandonner, peut-être même à vous séparer de vos amis, de votre conjoint, de votre conjointe, d'abandonner vos enfants et de vous en aller dans un autre pays pour aller construire quelque chose de bien, au risque même de votre vie? On n'aura personne. Par contre, si c'est pour avoir la même chose, on abandonne tout au complet, là, c'est pour aller casser la gueule à l'ennemi. Alors, il n'y a pas de problème, les armées, on enlève tant qu'on veut, puis le monde vont financer. Les femmes, pendant la deuxième guerre, vont travailler dans les usines, ça va y aller au maximum. Pas de problème. Puis celui qui meurt parce qu'il se fait casser la gueule, au lieu de casser la gueule de l'autre, on va le fêter, il a la tête parfaite. Parfait. Mais aller construire, par exemple, il n'y a pas un qui va vous suivre. On rit de vous autres. Mais par contre, les hippies, il y avait une flamme de construction au lieu de destruction. Ils étaient quand même habités par les premiers. Ils ont été habités par la construction, sauf que n'étant pas conscients des mécaniques qui gèrent la vie de l'être humain au 20e siècle ainsi que dans l'histoire, n'étant pas conscients que partout autour d'eux, on les surveillait pour les anéantir, parce qu'il ne faut pas qu'on amène du bonheur viable sur la planète. Il ne faut pas. Tous ceux qui ont essayé ont manqué leur coup, puis les seuls qui ont été capables de maintenir une saveur de bonheur, c'est ceux qui ont hautement réglementé leurs agissements. Ils ne sont pas plus heureux. Par exemple, on regarde les religions, et quelle que soit la religion, eh bien, trois fois par jour, on devra sauter sur les talons en criant Hare Krishna. Ou bien, sept fois par jour, on devra aller se pencher vers l'est en direction de la Mecque en espérant que vous soyez bonne. Bon. Sinon, on sera chez les chrétiens, où on devra aller à la messe une fois par... une demi-heure par semaine. Et là, les gens vont dire, oui, mais Dieu est bon, il nous demande juste une demi-heure par semaine. Oh, mais ils ne sont pas plus heureux. Franchement, si tu l'aimerais une demi-heure par semaine, moi, j'irais dessus. Tu donnes rien. Une question de te sentir à l'aise. Tout est réglementé. Ça veut dire qu'à un moment donné, on va dire, si vous ne voulez pas vivre le malheur, n'ayez aucune relation sexuelle avant le mariage. Vous ne verrez pas le bonheur non plus, là, mais si vous ne voulez pas vivre le malheur, la personne, ça va vouloir dire, quand vous sortez ensemble, vous devez être prêt. On parle de, quelles que soient les religions, la réglementation, parce que toute la structure planétaire, la structure astrale, la structure céleste, la structure psychologique est bâtie pour que l'humain ne puisse pas s'en sortir et pour que l'humain ne puisse pas être heureux. Puis à l'intérieur des êtres humains, il y a toujours une petite flamme maudite, qui les connecte quelque part où il semble que ça se peut, le bonheur. Et ça, l'astral s'en est toujours servi pour carottiser le chemin des personnes. Elle leur dit, si vous faites ça, vous allez être bien. Ben oui! Puis quand vous arrivez dans le bien, là, non, regardez, c'est pas encore là, là, c'est plus loin. Mais c'est toujours plus tard, le bien, c'est toujours plus tard, toujours en avant, puis tu t'en vas là. Si t'es dans les chrétiens, c'est eux autres sont rusés, ils ont dit, quand je vais être mort? Puis si possible, puis c'est pas ça, meurs pas tout de suite. Mais alors, pas tout de suite. Tu vis. Et puis, change de religion, là, ils vont dire, c'est tout en avant. C'est sûr qu'il y a des petits plaisirs qui vont te permettre de goûter. Mais la vie, au complet, les hôpitaux sont faits pour anéantir. L'humain, tout est fait pour anéantir. Mais les hippies, qu'est-ce qu'ils auraient dû faire pour que ce soit le mouvement? Non, les hippies n'auraient pas dû. Moi, ce que je veux expliquer simplement, c'est que nécessairement, il y a d'autres individus qui vont retenter le mouvement hippie. Sans les cheveux longs, peut-être. Peut-être en Cadillac, en Mercedes, plutôt qu'en Volkswagen, peut-être. On reste allemand. Mercedes, bon. Plutôt que Volkswagen. Il y a des individus qui... Cette flamme-là, elle a toujours habité l'humain. L'humain n'a jamais été capable de l'amener. Le mouvement hippie a été un premier souffle. Les premières contractions pour engendrer effectivement une situation planétaire qui va servir d'exemple. Ça veut dire que c'est jamais arrivé dans l'histoire qu'il y a eu un groupement semblable au hippie? Non. C'est parce qu'habituellement, l'histoire se répète, mais là, il y a quelque chose de neuf qui arrive la première fois. Les autres étaient branchés sur le futur et non pas sur le passé. Mais c'est ça, c'est intéressant. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose d'unique. Puis bon, ça va être possible plus vers le futur, mais que si on regarde vers le passé, il n'y a rien eu de ça. Non. Bon, continuons. Non, mais... OK, continue. Ben, c'est pas nécessaire de rechercher, voir, hey, c'est phénoménal, hein, c'était la première fois. Ben, je trouve ça intéressant, parce que toutes les fois que tu regardes l'histoire, dans l'histoire c'est toujours la 200e fois. C'est toujours les vieilles affaires qui reviennent, tu sais, qu'il y a toujours un temps de guerre, un petit temps de paix, un temps de guerre. L'année dernière, il y a eu à peu près 300 quelques combats... Conflits armés sur la planète. Donc, on n'est pas en temps de paix, même s'il n'y a pas des guerres mondiales. Mais non, ici, on est bien, mais on est loin d'être en temps de paix. Ça, c'est évident, on n'est pas en temps de paix là. Mais... Bon, moi, je trouve ça intéressant du fait que c'est quelque chose qui est unique. Puis je me dis, bon, ben là, ça veut dire que le futur regardez, commence moi, à tout simplement, c'est qu'on doit essayer de trouver ça intéressant parce que c'est unique. On doit trouver ça intéressant parce que c'est pacifique. Ben oui, c'est implicite. Oui, c'est implicite. La guerre du Golfe, c'est unique aussi. Non, les guerres, c'est pas unique. La guerre du Golfe, oui. On doit trouver le mouvement hippie intéressant parce qu'il visait la paix, il visait l'amour, il visait l'écologie, il visait l'harmonie. Après ça, qu'il ait manqué leur coup, ça, c'est pas grave. Mais ce que je veux qu'on comprenne, c'est qu'à chaque fois qu'après ça, dans votre cœur, dans votre tête, vous allez vouloir vivre, viser, atteindre une situation familiale pacifique, il faut comprendre aujourd'hui que le moindrement que l'humain se dirige se dirige vers quelque chose de plus près du bonheur, donc de la joie, on l'atteint toujours avec une masse. Pour bien lui faire comprendre qu'il n'y a pas besoin d'autant de bonheur, pas tout de suite. Mais le bonheur, c'était à moitié le bonheur. Là. Il y avait une partie du bonheur que le reste du peuple américain n'avait pas, qu'eux étaient en train de construire, mais il y avait une autre partie, le côté matériel, qu'eux autres faisaient totalement abstraction. Ils étaient en réaction vis-à-vis de tout. Ce que les Américains exprimaient, fait que les autres faisaient tout le contraire en gardant l'idée d'être libre, là, mais c'était pas une façon d'être heureux. Il y a eu des communautés qui ont vécu 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans où c'était vraiment intéressant, c'était bien, ils étaient heureux. La problématique tout le temps, c'est le manque d'argent, le harcèlement de la société et aussi surtout le choc quand tu es heureux. Parce qu'à un moment donné, tu découvres un bonheur particulier et l'ego de l'homme immédiatement se fait dire faut pas que tu le perdes. Et puis, par la suite, un deuxième bonheur, il est comparé à ton premier bonheur, puis là, tu sais pas la même affaire, tu essaies de retrouver les mêmes choses. Vous savez, il y a un point extrêmement important. La première fois que vous avez rencontré votre ami tout court, la première fois que vous le rencontrez, ou les premiers contacts affectifs plus près, sont souvent extraordinaires. Pourquoi? Parce que vous ne vous attendez à rien. Vous n'avez pas prévu quoi que ce soit. Ah, vous avez prévu que j'espère que ça va être le fun, mais non, bon, OK. Mais vous êtes naturel. La deuxième fois, vous êtes peut-être encore un peu naturel. Puis le problème majeur là-dedans, c'est que très rapidement va s'installer l'habitude. Puis l'habitude, c'est quoi? L'habitude, c'est qu'il est obligé de se vivre ceci, mais on n'y goûte plus. Pourquoi? Parce qu'on travaille uniquement à entretenir la mémoire, à entretenir la forme, et non plus à innover dans la forme. On est mort, on n'est pas vivant. Les hippies vont découvrir, ils vont construire une commune. Tu construis, tout le temps que tu construis, ça va. Quand c'est construit, maintenant tu fais quoi? Ton foutu bordel de monde de paix, il est là. Bon, tu fais quoi? Y a-tu quelque part qu'on pourrait aller faire des dons? Y a-tu un village qu'on pourrait anéantir pour faire un mouvement ou bâtir une société de paix là-dedans? T'sais, y a-tu quelque chose qu'on peut faire? Et c'est la problématique de l'humain. Vous avez une secte, vous avez une petite religion, ils l'ont. Ils l'ont! C'est bien. Après un laps de temps, ils l'ont plus. Il faut qu'ils convainquent l'autre. Il faut qu'ils cherchent l'autre. Ils ne peuvent plus l'avoir. Le bonheur, c'est pas pour lui-même. Oui, mais il y a moyen de ne pas vivre ça. C'est évident. Pourquoi moi, je trouve intéressant qu'on parle du mouvement hippie? C'est simplement pour que les gens soient... Pour, premièrement, voir rapidement de quelle façon on va salir toute forme de tentative positive d'améliorer le sort de l'humanité, on va salir. Les missionnaires catholiques, protestants et d'autres, les missionnaires, J'ai rencontré un missionnaire sur une île sur le fleuve Amazon, donc en Amazonie au Pérou. Ça faisait 45 ans qu'il était là, c'était un franciscain. Et à travers les discussions, etc., je parle avec lui. Finalement, je brasse un petit peu pour qu'il me dise la vérité. Parce que là, je parlais à un franciscain. À un moment donné, je parlais à un humain. Et puis là, il a fini par me dire qu'il y avait même une femme sur l'île là-bas. Et je me suis dit, un franciscain, puis t'as une femme. T'es-tu marié? Il dit, non, je suis pas marié. Ah, OK, mais d'une femme, tu fais des cochonneries sur l'île là-bas. Alors, on fait ce qu'on peut, mais dans la jungle, 45 ans, tout seul, perdu, c'est compliqué. Et Dieu n'est pas toujours là. Tu fais en Somalie, tu fais des taux de place. Alors moi, je lui demande, quand vous êtes arrivé ici, j'imagine que vous aviez que votre but, c'était de changer les choses. Il dit oui. Et j'imagine que vous avez rendu compte que les choses vous ont changé. Il dit, c'est ça. Et c'est parfait. Lui, il est capable de supporter une certaine dose de bonheur à la condition qu'il puisse vivre dans le potentiel de scandale. C'est supérieur ou n'importe quelle personne autour qui va se rendre compte que ce moine franciscain-là couche régulièrement avec une femme. Il a peut-être des enfants. Là, on va dire... Puis lui, il va prétendre qu'il s'en va les aider, ce gros cochon-là. Mais n'importe quelle personne de n'importe quel niveau qui va en Amazonie à la même place puis qui va aller coucher avec une Amazonienne, qui va avoir des petits, qui va s'en occuper, on trouve que c'est bien correct. Il ne va pas là pour faire le bien. Mais s'il va là pour faire le bien, il n'y a pas le droit d'être heureux. Le moindrement qui va s'arranger pour être naturel, pour être normal, pour être heureux, c'est le scandale à l'os. Rien à faire. On a des télévangélistes américains, à un moment donné, il y en a un qui a été pris en sortant d'un truc de prostitution avec une prostituée. Et le scandale, ben oui, scandale certain. Il fait du bien, le bonhomme, t'élimines ça au plus vite, tout le temps. Et le mouvement hippie, moi, ce que je veux qu'on fasse, c'est qu'on cesse, qu'on comprenne, premièrement, que à chaque fois qu'on va amener du bien quelque part, il y aura toujours tout ce qu'il faut dans la société, dans l'astral, dans les religions, partout dans l'humain, pour salir notre vision de la chose. Tu sors avec un ami, tu es extrêmement bien avec lui, normalement, ton mari va être jaloux. Pourquoi? Parce que tu oses être heureuse sans lui. C'est ça, la jalousie. Et les personnes qui vivent en couple vont préférer être malheureux ou neutre. Mais, comment qu'il dit ça? Non, ici, là, c'est... pas fiable, là, mais... Fidèle. C'est Castro. Ça, c'est quand t'es pas fidèle. Castro, bon. Alors, c'est préférable qu'il soit fidèle. C'est mot-à-ditement plus beau la fidélité que le bonheur. On le constate. Il n'y a rien à faire. L'humain est organisé pour ne pas s'en sortir. Le mouvement hippie, c'est une flamme qui existe encore à travers un paquet de citoyens sur la planète, qui va nécessairement et qui a eu tendance à vouloir ramener des choses. La problématique, c'est qu'à chaque fois, et c'est important de comprendre qu'au 20e siècle, il y a des choses qui vont changer. Bon, il y a des choses qui ont changé quand tu regardes un peu plus loin. Dans le 20e, fin 20e, début 21e siècle, le gros de la chose... C'est qu'au départ, si quelque part chez vous, vous osez prétendre que vous aimeriez ça à être heureux, heureuse, si vous osez prétendre ça, sachez que vous vous heurtez à l'humanité et à son histoire. Mais si on... C'est simple, c'est clair. Mais peut-on déjouer, peut-on déjouer en disant qu'on ne veut pas... On ne veut pas rendre les autres heureux. On ne veut pas faire le bien. C'est évident que si tu te missionnes, tu es fini, parce que si tu te missionnes, ils vont tout aimer ce que tu fais, puis ils vont tout surveiller le moindre scandale pour t'annihiler les rêves. C'est pas compliqué, mais là. Non, l'être humain, puis moi, ce que je dis là, c'est que c'est grand, c'est gros. Tu sais, c'est grand. La personne qui dit, ben oui, on doit, moi, j'ai ma petite famille, mes petites affaires, puis je vais être correct. Oh oui! Mais le bonheur, c'est pas ça. Le bonheur, c'est pas juste d'être standard, d'être normal. Tu sais, c'est pas juste d'avoir un manuel chez vous, là, puis standard, tu sais, c'est bon. Non, mais de toute façon, cette personne-là n'est pas à l'abri. Si elle est chez elle avec son conjoint puis son bien, c'est ça, il y a une masse qui l'attend pareil, même si elle n'est pas partie. La masse, ça va venir, la masse! Ça. Ah, mais pas la même grosseur que si tu fais quelque chose de plus volumineux. Pour être heureux, ouais, c'est ça. C'est la masse qui va avec la dose de bonheur. Mais... Oui, mais ça fait partie. Non, mais ce qu'il dit là est important. Ça fait partie de tous les principes qui sous-tendent l'évolution psycho-émotive, affective de l'humain dans toutes les sphères de religion, de morale, de société. Si tu es jamais heureux, on ne te bûchera pas trop. Si tu es un peu plus heureux, la vie va s'arranger et te le faire payer. T'es vraiment heureux, check tes claques. Un artiste, les gens qui font de l'argent, les gens qui ont des enfants géniaux, les ceci. Juste regarder. Puis moi, ce que je veux, c'est qu'à un moment donné, on puisse être capable de se rendre compte que pour parvenir à faire en sorte que la vie ne soit plus une insulte à votre intelligence, hein, à notre intelligence, il faut absolument que l'humain comprenne clairement les principes mêmes qui détruisent continuellement ses efforts pour améliorer sa situation. Je ne parle pas uniquement des efforts pour aller chercher de l'argent, juste le fait d'être obligé de devoir aller chercher de l'argent. C'est totalement ridicule, ça tue nos vies. Et les hippies l'avaient compris. Les hippies l'avaient compris. Ils avaient conscientisé un peu, mais ils n'ont pas compris la mécanique pour s'éliminer de la matière. Ils avaient compris la moitié. Ils avaient compris ce qu'il fallait. On ne va pas en chercher, mais ils n'avaient pas. Ils avaient compris comment il fallait vivre, mais ils n'ont pas compris comment s'arranger pour pouvoir continuer à le vivre. Bon. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des façons, ça s'est fait dans le passé, quand on se place plus loin, donc ça va se faire dans le futur, hein, quand on se place ici. Okay. Il y a des façons d'orchestrer les sociétés, d'orchestrer les micro-sociétés, d'orchestrer des groupes d'individus pour que ces individus-là se détachent de l'emprise qu'a la vie, qu'a l'astral, continuellement sur leur canaux affectifs. Par exemple, y a-t-il moyen d'augmenter son degré de sécurité affective, psychologique, mentale, sur la planète Terre? Y a-t-il moyen de l'augmenter? Les gens qui se disent sécurisés sont des gens qui sont inconscients de ce qui se passe. Alors, ces gens-là, il leur arrive aussi toujours un paquet de choses, mais pas trop, parce que vu qu'ils sont inconscients, ben ils peuvent pas travailler trop pour le bonheur, ce qui fait que leur arrive pas trop de cochonneries. Bon, mais ça, c'est un sentiment, là. Sauf qu'on voudrait pas vivre leur vie. C'est un sentiment qui est là et qui est continuellement entretenu. Oui, mais c'est parce que la sécurisation... Tu sais, se sentir sécure, bon, c'est un sentiment, c'est pas une réalité. Non. C'est une impression. Pas pour l'être qui se conscientise. Une personne... Quelqu'un qui est inconscient, il se sent sécure, c'est une impression. Et d'ailleurs, il y arrive des conneries. Moi, ce que je dis, c'est que le moindrement, pour que vous soyez bien, par exemple, vous devez nécessairement être capable de ne plus risquer jamais de vous retrouver dans la rue. Un. La société, au complet, doit s'arranger pour vous aider. Le dernier mot du mot, c'est tellement mieux. Deux. Vous ne pouvez plus vivre avec l'idée que vous risquez, à un moment donné, de tout perdre. Amis, matière, maison, etc. Il ne faut pas. Parce que sans ça, combien d'énergie de votre vie est perdue 24 heures sur 24 juste pour vous empêcher soit de le voir que c'est mal foutu ou pour vous empêcher de craindre la mécanique ou simplement qu'ils vont tendre à organiser des structures dans votre vie pour pas que ça arrive. Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Alors, tu veux dire qu'à un moment donné, c'est possible que vivre avec en sachant que rien peut m'arriver de négatif. Ça, les choses peuvent arriver, quand je te parle, augmenter. Prenons l'exemple du Québec. Le Québec, c'est une terre extraordinaire juste par son assurance maladie. L'assurance maladie fait en sorte de la perdre aussi. Que... Ben, oui, je te oui, puis pourquoi qu'on est en train de la perdre? Parce qu'il y en a qui profitent, parce qu'il y en a qui... Non, pas parce qu'il y en a qui profitent. Parce que c'est trop beau pour l'humain normal. Faut que l'humain la détruise. L'humain la détruit comment? En ambitionnant, en ambitionnant, en ambitionnant, en ambitionnant, en profitant. Les médecins en profitent, les patients en profitent, les services en profitent, tout le monde en profite. Tout le monde en mésuse, tout le monde en use, en suruse. Puis s'en vendent, puis tout le monde trouve ça correct. C'est normal. On veut mettre une photo sur les cartes d'assurance maladie, ça va à l'encontre des droits et libertés. Voyons donc, c'est un voleur, veut s'en servir de ta carte, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la photo dessus. Tu sais, c'est pas correct. Il a le droit de s'en servir. Puis toi, ben, t'as pas le droit de le rapporter. C'est-tu ta job de citoyen qui paye des taxes de rapporter le voisin qui se sert illégalement d'une carte? Ben oui, non. C'est à la police de le trouver, pas nous autres. Ça, c'est la structure. Alors que moi, quand j'étais jeune, j'étais dans une école, il y a un jeune qui allait arriver quelque part, puis qui volait quelque chose, bien, j'étais le premier à aller le rapporter. Là, on me disait que j'étais un porte-panier. Moi, je disais, je porte peut-être les paniers, mais sacrament, l'école elle va finir par se débarrasser de ces épais-là. L'idée, c'est d'avoir une école propre. Je ne suis pas un porte-panier. Je vois un gars qui bat quelqu'un d'autre. Je le rapporte, je le connais. Qui a fait ça? C'est lui! C'est lui! Puis s'il y en a un autre qui recommence, je vais le dire. Puis si vous me touchez, je vais le dire! Puis après ça, t'as la paix. Oui, mais comment voulez-vous bâtir une société ou un encadrement qui a de l'allure? Uniquement comme ça. Qui a volé l'extincteur dans l'édifice là-bas? Ah, cette personne ne le sait. Qui fait, qui vole dans la compagnie? Ah, personne ne le sait. On va peut-être fermer nos portes. Personne ne sait pareil. Tu sais, dans la merde jusqu'au cou. Mais je ne suis pas un délateur. Je suis un imbécile. Et ça, c'est entretenu continuellement. Avez-vous déjà remarqué, pour vous expliquer comment l'humain fonctionne, à l'école, un enfant qui réussit bien, est-il entouré de plein d'amis? Est-il idolâtré? Ou si plutôt il mange des claques, il perd ses livres, on bûche dessus. Réussir à l'école, c'est être têteux en tabarnouche. Tu vas à l'école pour écœurer les profs. Tu vas pas à l'école pour réussir. Il faut être épais pas mal. Aller à l'école pour avoir des bonnes notes. Ils se font tout écœurer. Et je connais plein de petits génies qui baissent leurs notes pour avoir la paix. C'est la vie. C'est vraiment bien organisé. Et moi, quand je dis, par exemple, vous êtes malade aujourd'hui? Vous avez un accident? Montrez votre petite carte, puis on vous soigne. En tout cas, il y a des places, on vous soigne, il y a d'autres places, on vous traite, puis d'autres places, on vous garde. On vous met dans le corridor. Tu vois, hein? Bon. Toi, parce qu'on a des pet-shops. J'en connais quelques-uns. Mais, puis il y a des bons hôpitaux aussi. Ça dépend des personnes qu'on rencontre. Il faut être chanceux. Imaginez-vous. C'est la loterie. Vous êtes malade? Moi, ce que je vous dis, c'est un mouvement hippie, ce qu'il voulait faire. Il l'a pas fait comme ça. Mais je suis médecin, je suis hippie. Tu es malade, tu viens dans mon hôpital, t'as pas à espérer d'être chanceux pour tomber sur du monde qui va s'occuper de toi. T'as un qui a rentré et à relaxer, dors, on s'occupe de toi. T'es profite-en pour reposer, on s'occupe de tout. Alors que ce qui va arriver aujourd'hui, c'est pas ça, tu vois, c'est quand même pas pire. La majorité des pays, quand t'as un accident ou quand t'es malade, c'est pas évident que tu vas être soigné. Moi, ce que je dis, c'est que le Québec, c'est déjà bon, c'est hippie un peu comme stratégie. L'assurance maladie, hein, c'est collectif, c'est communiste, t'sais, mais ça n'a rien à voir avec ça. Les gens vont salir les choses qui sont belles. Et ce qui va arriver, c'est que si vous vous cassez le nez quelque part, on va vous soigner. Ça va. Vous êtes sans pension de vieillesse? Pas de problème. C'est ceci, c'est cela, c'est cela. Moi, ce que je dis, c'est que c'est évident que l'humain doit s'arranger pour comprendre, un, que toutes les stratégies sociale, normale, humaine, même divine, religieuse, etc., sont toutes organisées, un, soit pour vous engourdir, deux, pour vous empêcher d'être heureux. Les religions disent à l'humain que c'est pas ici, que c'est une fois mort. Ça, c'est des promesses de politiciens, ça. C'est après. Ceux qui croient à la réincarnation, ils se disent, bien, quand j'aurai réussi à travers mes 3 475 000 réincarnations, ça, c'est si je reviens pas dans une fleur ou dans un chat, eh bien, là, j'aurai, à l'intérieur de vous autres, vous le savez, vous rentrez chez vous ce soir, vous voulez être en paix. Allez, vous voulez être heureux, être heureuse. Il y a des choses à faire. La moitié de ces choses à faire-là vont probablement être interdites par vos inhibitions. Un quart de ce qui reste va être interdit par, je ne sais pas si c'est correct. Un tiers de ce qui reste va être interdit par... c'est peut-être pas normal. La moitié de ce qui reste va être interdit par vos autopunitions. Vous allez vous interdire le plaisir. Vous voulez aller voir un film. Vous avez le goût d'y aller tout seul. Non, vous voulez aller voir le film. Vous avez le goût d'aller voir le film. Vous n'y allez pas voir le film. Mais si vous avez votre neveu, votre nièce qui est à la maison, puis qui dit « Ah, j'aimerais ça aller voir ce film-là. » Fais plaisir à quelqu'un d'autre, pas de problème, c'est permis. À soi, interdit. Alors, viens-t'en, on va y aller. On va aller au cinéma. Combien de fois on va faire, si quelqu'un est là, on va faire pour un autre, pas pour soi. L'être humain doit comprendre clairement que c'est sa structure, son infrastructure qui l'amène continuellement à l'anéantissement. Les hippies, ne l'ayant pas compris, ont amené une flamme, ils ont amené des bribes de conscience, ils ont instauré quelque chose qui était génial, qui aurait pu effectivement changer la face de la Terre. Ça l'a donné un coup de pouce, mais ça l'a pas changé d'une façon évidente, sensible. Et la problématique, c'est que parce que les gens ne comprennent pas ça, et parce que vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas souvent le comprendre, que la vie est totalement orchestrée pour vous boucher dessus. Puis ça, l'homme, la femme, l'enfant ne veut pas le voir. Rien à faire. À l'école, es-tu heureux? Non. Au travail, es-tu heureux? Non. À la maison, es-tu heureux? Non. As-tu hâte de rentrer à la maison, voir ta femme, ton mari, tes enfants? As-tu hâte? As-tu hâte de rentrer au travail, voir tes collègues, ton patron? As-tu hâte? Pas hâte de rien. Bon, l'humain va dire, « Oh, mais de temps en temps, tu sais, on s'amuse, on a du plaisir. On... » Oh, oui, je le sais, c'est évident. Ça peut passer le bonheur, ça peut passer le temps. On s'occupe. On s'occupe. Vous vous aimez. Puis c'est pas... Et ça se vit. L'homme, la femme, l'enfant doit pouvoir faire quotidiennement ce qu'il faut qu'il fasse pour être en parfaite santé. Il doit avoir accès à la meilleure alimentation et il doit avoir accès à l'éducation, à l'instruction, ça veut dire à s'approvisionner de données qui vont lui expliquer clairement que ça, c'est pas bon, que ça, c'est pas correct, etc. Mais en plus, l'humain doit avoir accès à sortir avec son enfant, rentrer dans un dépanneur, puis il n'y a pas toute une étagère de poison en avant de l'enfant, là. Tous les chocolats avec les produits chimiques, puis les colorés, puis les saveurs de ceci, puis les saveurs de cela, puis les poisons à ras des céréales, etc. Vous prenez, vous achetez des céréales dans les magasins, vous allez voir qu'il y a des petites lettres dans les produits qui sont dedans, puis à la fin, ça, c'est la formule rétrécie de poison qu'on utilise pour tuer les rats. Et eux mettent ça dedans parce que ça empêche les animaux de bouffer les boîtes dans les entrepôts. Mais on en mange. Mais le ministère de la Santé a déterminé les doses qu'on peut donner aux citoyens sans qu'il y ait trop de problèmes. Puis c'est régulièrement comme ça, comme continuellement. Alors, l'humain, et quand moi je dis qu'il y a effectivement la possibilité de créer des infrastructures. Le mouvement hippie a lancé probablement l'alimentation bonne pour la santé. Je parle pas juste végétarienne, là. Des études là-dessus. Ils ont lancé plein d'autres choses, parce qu'il y a des gens, après ça, après l'effondrement du mouvement hippie, qui sont restés dans leur nature. Alors, ils ont ouvert des boutiques d'aliments naturels. Les premières boutiques d'aliments naturels, il fallait avoir les cheveux longs pour entrer là, puis être en sandales. Bon, ça allait mieux. Il y avait des graines à terre, il y avait des pots, c'est hippie pas mal. Hein? Il y avait... Bon. maintenant, on met ça dans des emballages. C'est moins pire. Quand tu as bien pour payer à caisse, tu peux payer avec de l'argent, tu sais... Avant, fait, tu payes d'autres choses. Donc, ça a fait des changements. Il y a eu un moment donné où les gens disaient « Mangez bien, comme au Québec, par exemple, ça se peut pas. Tu, le moins vraiment que tu manges un peu mieux, tu peux acheter du pain qui était qui a poussé convenablement, qui a été moulu convenablement, qui a été cuit convenablement. Faut que tu partes de Montréal-Nord, puis tu t'en ailles à la Chine, à l'autre bout là-bas, chez le seul boulanger d'aliments naturels qui existe en province. » Ça n'avait pas de sens. C'est drôle, aujourd'hui, on va chez Provigo, on va chez Métro, on va à bien des places, il y en a. Ça veut dire que l'être humain a tendance à améliorer les choses. La prochaine conférence, on va parler de ce que c'est justement que c'est l'intelligence. Et le mouvement hippie, c'est quelque chose qui a tenté d'amener ça. Ça existe ailleurs, on va en parler. Je vais parler trop. On fait une pause.